franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le dossier des frégates de Taïwan. Un scandale politico-financier qui nous replonge au cœur de la France des années 90. C'était un temps où Paris fournissait des navires de combat à un pays d'Asie qui n'en avait aucune utilité mais qui en réclamait. Alors on en vendait. La bonne affaire. C'était un temps où l'État français était tantôt complice de certaines transactions opaques réalisées par ses entreprises aux quatre coins du monde, tantôt aveugle face à des contrats qui, dans le cas des frégates, pouvaient atteindre plusieurs milliards d'euros. S'il est encore difficile aujourd'hui de résumer cette affaire, tant elle met en scène différents acteurs, lieux et enjeux, on peut néanmoins, avec le recul, retracer la chronologie des faits. On découvre alors un dossier de très grande ampleur, qui depuis plus de deux décennies fascine et inquiète avec ses soupçons de pot de vin, de commissions et de leurs corollaires, les rétro-commissions, en un mot commençant, de corruption. Des faits extrêmement graves sur lesquels la justice française n'a jamais réussi à trancher. Après le récit, nous en parlerons avec la journaliste indépendante Vanessa Ratigné. Elle est l'auteur, avec Pierre Péan, d'une enquête sur l'affaire Clearstream, retracée dans la série documentaire Manipulation, réalisée par Jean-Robert Vialet et diffusée sur France 5 en 2011. Mais elle a été aussi amenée à travailler sur l'affaire des frégates. On verra la connexion. Et elle s'est rendue à Taïwan pour rencontrer certains protagonistes de ce dossier. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara, avec le soutien des documentalistes de Radio France et de l'INA, attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Slegle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Michel Bézikian. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Et des nuages éclaircis alterneront sur les plaines d'Aquitaine, de Midi-Pyrénées. Le soleil en revanche fera de belles percées sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Et le vent marin, le vent d'Otan, souffleront modérément du Golfe du Lion au Midi-Toulousain. Bonne journée, couvrez-vous. Bonjour Patricia Martin. Bonjour Nicolas Stoufflet. France Inter, il est 7h. Le journal Bernadette Chamonnaz. Bonjour, l'opposition affûte ses arguments et dépose des amendements. Elle s'apprête à livrer bataille contre le projet de loi sur les 35 heures en discussion à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée. Pour Lionel Jospin, c'est l'occasion de ressouder sa majorité. Paris, avenue du président Kennedy, ici même, à la Maison de la Radio. Nous sommes le mardi 27 janvier 1998. Ce matin-là, sur France Inter, le journal s'ouvre avec le projet de loi du gouvernement Jospin sur les 35 heures, mesure phare de la gauche à l'époque. Le sujet fait la une depuis plusieurs semaines. Mais à 9h, une dépêche de l'agence France Presse annonce qu'une importante perquisition est en cours dans les bureaux de l'un des plus importants personnages de l'État. Sans hésiter une seconde, le directeur de la rédaction de France Inter envoie un journaliste et un technicien sur place. 5 minutes plus tard, les deux reporters arrivent sur l'île Saint-Louis, où la police bloque déjà l'accès du quai Bourbon. Au loin, on aperçoit plusieurs véhicules banalisés de la brigade financière et du parquet de Paris. Ils stationnent devant l'immeuble, situé au 19, là où se déroule la perquisition. De leur côté, les passants racontent avoir vu deux femmes accompagnées d'une dizaine d'hommes en imper gris s'engouffrer à l'intérieur de l'édifice. Depuis, c'est un incessant balai de gens qui portent des cartons d'archives comme dans un déménagement. Mais que se passe-t-il à l'intérieur? À mesure que le temps passe, des badauds, des caméramans et des journalistes se frayent une place sur le trottoir d'en face. Alors que les 12 coups de midi résonnent en provenance de la cathédrale Notre-Dame, le grand porche de l'immeuble s'ouvre. Et comme sur une scène de théâtre, les protagonistes de cette intrigue font leur apparition. L'image symbole d'une perquisition spectaculaire. Roland Dumas, encadré de Laurence Wisniewski et Eva Joly, les deux juges d'instruction qui enquêtent depuis plusieurs mois sur une affaire d'escroquerie où son nom est cité avec insistance. Vers 13h, le trio se rend rue de Bièvre, au domicile de Roland Dumas. Dans les archives de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Eva Joly et Laurence Wisniewski s'intéresseraient en particulier au relevé de comptes en banque. La police se charge d'éloigner les curieux, elle s'occupe aussi d'amener des cartons supplémentaires pour emporter de nouveaux documents. Parallèlement, d'autres policiers perquisitionnent la résidence secondaire de Roland Dumas en Gironde. À Paris, les deux juges d'instruction vont rester près de 6 heures dans l'appartement de l'ancien ministre. La La scène prise sur le vif fait l'ouverture de tous les journaux. Pensez donc, Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel, emmené manu militari par des juges d'instruction. Cela fait plusieurs semaines que Roland Dumas sait que la justice s'intéresse à lui dans le cadre de la procédure sur l'affaire Elf. Les juges Joly et Vinchitsky ont en effet découvert un faisceau d'indices qui relie Monsieur Dumas à l'une des tentacules de ce dossier. Une affaire de commission touchée sur un important marché d'armement signé à la fin de l'année 91 avec Taïwan. Ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand à l'époque, Roland Dumas s'était longtemps opposé à cette vente avant de revenir subitement sur sa position. Et ce qui intrigue précisément les deux juges, ce sont plusieurs versements importants d'argent liquide sur son compte en banque à la même période. Des versements dont les montants atteignent plusieurs centaines de milliers de francs. L'ancien ministre aurait-il touché une quelconque commission pour infléchir sa position et ainsi valider la vente des frégates à Taïwan? C'est la question. Autre élément qui met dans l'embarras le président du Conseil constitutionnel, le témoignage de son ancienne maîtresse, Christine de Viejoncourt, chargée de mission pour les relations publiques d'Elf et en particulier chargée de certains dossiers les plus sombres de l'entreprise. Celle-ci révèle, lors de ses interrogatoires face aux juges Joly et Vinchitsky, avoir reçu de l'argent pour qu'elle lève son veto sur la vente des frégates. Enfin, il y a les agendas de Roland Dumas saisis par les juges au cours des perquisitions qui contiennent une dizaine de rendez-vous avec des responsables d'Elf portant la mention Taïwan. Pour résumer, nous avons donc d'importantes sommes d'argent liquide, une déposition accablante et un carnet de rendez-vous incriminant. Ça fait beaucoup pour un seul homme. 3 mois plus tard, les juges mettent en examen Roland Dumas pour recel et complicité d'abus de biens sociaux. Et comme le veut une certaine tradition française, il ressort libre moyennant une caution de 5 millions de francs. Dehors, son avocat François Tosi réagit face à la presse. Monsieur Dumas, à la suite de la mise en examen, a effectué une déclaration très sobre, mais très ferme, pour protester à l'égard des faits qui lui sont imputés et qu'il nie naturellement. Pour le grand public déjà noyé par les rebondissements à répétition de l'affaire Elf, la mise en examen du président du Conseil constitutionnel constitue la énième facette d'un dossier devenu très opaque. Qui peut donc imaginer que l'affaire Dumas n'est en réalité que la partie émergée d'un iceberg sous lequel se cachent les secrets de l'un des plus grands scandales politico-financiers des années 90? Et ce scandale, c'est celui des frégates de Taïwan. Pour en comprendre l'intrigue, il est nécessaire de remonter 10 ans plus tôt, à une période où l'Asie vivait de nombreux soubresauts politiques et où la France se tenait en embuscade pour y réaliser des affaires. Ladies and gentlemen, please be advised that all mobile telephone units on board must be turned off, as it will interfere with the navigation and control systems of the aircraft. Thank you. Taipei, île de Taïwan, bienvenue en Asie. Nous sommes au mois d'avril 1988. C'est ici, sur cette île grande comme 4 fois la Corse, peuplée par 23 millions d'habitants, que vit en exil depuis plus de 40 ans la République nationaliste de Chine, non communiste. 100 kilomètres plus loin, derrière un étroit bras de mer, on aperçoit, lorsque le ciel est dégagé, sa grande sœur, la République populaire de Chine, communiste, elle. 300 fois plus grande, 50 fois plus peuplée, adepte de l'économie de marché comme Taïwan, deux membres d'une même famille, éclatée. D'autant qu'avec la fin de la guerre froide et le retrait progressif des Américains sur l'île, les Chinois du continent veulent désormais récupérer Taïwan. Pour le gouvernement de Taipei, la menace est donc sérieuse. Alors, que faire ? Eh bien, comme tout pays qui veut assurer son indépendance, il faut bâtir sa propre force, autrement dit, acheter des armes. Et il se trouve justement que Taïwan dispose à cette période de moyens financiers conséquents, comme l'explique l'ancien juge d'instruction Thierry Jean-Pierre sur le plateau de Tout le monde en parle. Taïwan à l'époque est un des pays les plus riches du monde, 100 milliards de dollars de réserves. Ouais. Et en plus Taïwan paie cash. Ouais. Donc on veut tout vendre à Taïwan. On veut vendre un synchrotron, un satellite, un TGV, un métro, des grandes surfaces, que sais-je encore. On veut tout vendre. Ouais. Et dans le domaine de l'armement, tous les grands industriels de l'armement se précipitent à Taïwan de façon à essayer de tout vendre. Et au passage, des commissions sont versées et des rétrocommissions arrivent en France. En d'autres termes, pour les industriels du monde entier, Taïwan est une île au trésor, un marché juteux. Et pour les Français, à l'époque troisième pays exportateur d'armes au monde, une telle opportunité ne se refuse pas. Ainsi, au mois de mai 89, on invite en France une délégation taïwanaise emmenée par l'un des plus hauts généraux du pays, Hao Peitsung. Au programme de cette visite, genre tapis rouge, une visite des usines Dassault qui fabriquent les chasseurs Mirage 2000, une démonstration de véhicules blindés chez Giat, une présentation des missiles sol-air chez Matra et, clou de la visite, une rencontre avec les ingénieurs de Thomson CSF. Au menu, la présentation d'un navire militaire de nouvelle génération, une frégate de combat furtive. Oui, furtive. Car à la fin des années 80, la France a mis au point des navires de combat capables de disparaître des écrans radars. Une première technologique sur le papier. Car pour l'instant, ce bâtiment qui porte comme nom de classe Lafayette, long de 125 mètres, pesant 3600 tonnes et équipé de missiles Exocet dernier cri, ne flotte pas. Il n'existe qu'à l'état de maquette. Quoi qu'il en soit, sa caractéristique indétectable attire les convoitises. Mais cette visite est également l'occasion pour les Taïwanais de recevoir quelques cadeaux. Dans le jargon des marchands d'armes, on appelle ça des mallettes remplies de cash. Cela va de soi. Une pratique courante dans ce milieu que l'on résume de la façon suivante. Gâtez les émissaires d'un pays acheteur pour que ceux-ci décident de soutenir votre proposition devant leur gouvernement. En langage judiciaire, cette manière de travailler porte un autre nom en 10 lettres, corruption. C'est le cas de Taïwan. Thomson ne lésine pas sur les billets. Il faut dire que le marché est prometteur et qu'il porte déjà sur l'achat d'une dizaine de frégates. Leur nombre sera plus tard ramené à 6. Tout cela pour un budget total de plusieurs milliards d'euros. Un contrat en or pour la France qu'il ne faut pas rater. D'ailleurs, preuve que ces efforts ne laissent pas indifférents, les Taïwanais, durant leur séjour, l'un de leurs émissaires envoie un télégramme à Taipei pour demander d'arrêter les négociations concernant l'achat d'autres frégates. Coréenne, celle-ci. Mais alors que la France semble avoir remporté une bataille stratégique, un événement historique vient secouer la Chine. Un événement qui, de facto, va remettre en cause les efforts des Français. Nous sommes au mois de juin 1989. L'histoire est en marche dans les rues de Pékin. Intervention d'un char dans les rues de Pékin. Il a forcé un barrage de camions militaires sur un pont à 4 km à l'est de la place Tiananmen. Le camion s'est renversé sur le côté, mais apparemment aucune victime. Le char a continué sa course folle dans la foule. Panique générale, plusieurs personnes ont sauté un parapet de plusieurs mètres pour ne pas être écrasées. À cet endroit, au moins 4000 personnes sont mobilisées pour empêcher un convoi d'atteindre Tiananmen. Quelques minutes après l'incident, une cinquantaine de soldats armés de mitraillettes a quitté les lieux pour se réfugier dans un endroit moins exposé. Pékin, Laure Guilmer, France Inter. Tiananmen, symbole de ce printemps chinois de 1989 où des étudiants, des intellectuels et des ouvriers descendent dans la rue pour dénoncer la corruption du régime communiste et pour demander des réformes politiques profondes qui doivent aboutir à plus de démocratie. Face à ce mouvement pacifique, la répression du gouvernement de Pékin est féroce. Plusieurs milliers de morts et des dizaines de milliers de blessés dans la capitale chinoise et dans les grandes villes. Un épisode sanglant inscrit depuis dans tous les livres d'histoire et accompagné de cette incroyable photographie de Stuart Franklin que vous avez tous vu, ce jeune homme faisant face à une colonne de chars. Conséquence de cet épisode, la Chine est mise au ban des nations. Taipei y voit alors l'occasion d'accélérer la transaction avec la France et de s'équiper des frégates. Mais à Paris, la musique est tout autre. Malgré un gel diplomatique avec Pékin, le ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, n'entend pas froisser la Chine en vendant des navires de guerre à Taïwan. Dans les bureaux de Thomson CSF à la Défense, ce revers des autorités françaises est une véritable douche froide. Car en coulisses, via d'obscurs réseaux, Thomson s'agite déjà depuis plusieurs mois pour négocier la vente des frégates avec le plus haut responsable de Taïwan. Au passage, l'entreprise a déjà dépensé plusieurs millions d'euros en commission auprès d'intermédiaires taïwanais pour obtenir le marché. À Lorient, en Bretagne, sur le site de la DCN, la direction des chantiers navals qui doit construire les frégates, on partage le même embarras. Car l'annonce du blocage des négociations est vécue comme une injustice et un coup dur pour l'industrie de la région. Comme en témoigne celui qui était député maire de la ville à cette époque, un certain Jean-Yves Le Drian. C'est un coup de poing dans l'estomac, pour être très clair, et que j'ai un peu de mal à digérer. Et je ne suis pas le seul, car beaucoup d'ingénieurs avaient, dans la discrétion, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, travaillé sur ce dossier. C'est un peu difficile à encaisser. Ceci dit, les raisons qui sont invoquées nous échappent. Quand on se heurte à la raison d'État, on ne peut pas dire grand-chose, sinon notre profond regret, car il est certain que cette commande, si elle avait été concrétisée, car ce n'était pas encore fait, aurait apporté un ballon d'oxygène considérable dans l'économie locale. Alors, que faire? Faut-il abandonner le projet de vente des frégates à Taïwan? Chez Thomson, c'est tout simplement hors de question. Et on va le voir, l'entreprise française va décider seule de réactiver ses réseaux et de graisser la patte aux multiples intermédiaires dans cette affaire. Avec la bonne vieille méthode des valises remplies de billets, Thomson va obtenir en l'espace de quelques mois de surprenants résultats. Que ce soit à Taïwan, en République populaire de Chine, mais aussi en France, au sein même de nos institutions. Il est 7h30 sur France Inter, le journal Bernadette Chamonaz. Roland Dumas, ministre français des Affaires étrangères, est en Chine. C'est la première fois qu'il y retourne depuis la répression, place Tiananmen. La Chine s'est bien conduite pendant la guerre du Golfe et surtout elle compte 1 milliard d'habitants. D'ailleurs, Roland Dumas a pris soin d'emmener avec lui un important groupe d'hommes d'affaires. « Avril 1991, le ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, est en visite officielle pour quelques jours en Chine, donc. Ce voyage doit donner un nouveau départ aux relations franco-chinoises, mais pas seulement. En coulisses, il se dit en effet que le ministre a adressé quelques jours plus tôt une note à l'attention de François Mitterrand, l'informant que désormais il soutient la vente de frégates Lafayette à Taïwan. Oui, celui qui était jusqu'alors le grand partisan du non dans ce dossier dit maintenant oui. D'ailleurs, l'une des raisons qui pousse Roland Dumas à se rendre à Pékin, c'est d'assurer aux Chinois que les navires vendus à Taïwan ne sont que des coques vides, autrement dit sans matériel de projection, comprenez, sans missiles. Admettons. Maintenant, comment expliquer que le ministre ait si subitement changé d'avis? Pour le comprendre, il faut retourner dans les tours du quartier d'affaires de la Défense, mais pas chez Thomson CSF, non, chez Elf Aquitaine, le géant du pétrole. À qui Thomson demande à la fin de l'année 89 de mettre un peu d'huile dans les rouages de la diplomatie. Car si Thomson a déjà mis sur pied une opération multi-réseau pour amadouer les responsables militaires à Taipei et les politiques à Pékin, il y a toujours l'épineux problème du veto du Quai d'Orsay. Chez Elf, c'est Alfred Sirvin, numéro 2 du groupe, qui se charge de débloquer la situation. Il missionne une employée d'Elf, implantée au sein même du Quai d'Orsay, Christine de Viejoncourt, pour faire changer d'avis le ministre des Affaires étrangères. Le choix d'Alfred Sirvin n'est pas anodin, car Christine de Viejoncourt est la maîtresse du ministre Roland Dumas. Quelques années plus tard, face à la caméra de France 2, elle confirmera son rôle dans cette affaire. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai travaillé pendant un an, j'ai été payé pour ça, j'ai rendu l'argent et j'ai réussi à vendre les frégates de Taïwan et à faire lever le veto. C'est clair. Le veto qui était celui de Roland Dumas. Le veto qui était celui de Roland Dumas. La preuve, c'est qu'il a levé. Résultat de cette opération, Taïwan attend ses frégates. Pékin ne proteste plus contre la vente et le Quai d'Orsay est désormais d'accord pour finaliser la transaction. C'est dans ce contexte que le 31 août 1991, la première ministre Edith Cresson signe le contrat Bravo entre Thomson CSF, associé à la direction des chantiers navals, et un conglomérat de construction taïwanais. Le tout pour un montant total de plus de 2 milliards et 800 millions d'euros. Précaution touchante de vertu, l'article 18 du contrat de vente, classé secret défense, stipule que la transaction ne doit pas recourir à des intermédiaires et au système des commissions. Ainsi, fin 1991, après des années de négociations, Taïwan est désormais l'heureux propriétaire de 6 frégates Lafayette et il en attend désormais la livraison. C'est là que ça se complique. Deux ans plus tard, en décembre 1993, les frégates s'invitent de nouveau dans l'actualité. À Taïwan, le scandale éclate avec la découverte du corps d'un commandant de la marine qui s'apprêtait à dévoiler les malversations du dossier. La justice décide d'ouvrir une enquête. Au même moment, en France aussi, la justice est saisie, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Car c'est l'entreprise Elf qui défraie la chronique. Il se trouve que Thomson a déposé une plainte pour tentative d'escroquerie concernant le marché des frégates dans lequel Elf devait jouer l'intermédiaire. Un dossier qui conduit les juges sur la piste de détournement de fonds publics du géant pétrolier français. Un scandale où sont cités Loïc Le Floch-Prigent, Alfred Sirvin et Christine de Viejoncourt. C'est cette procédure qui va déboucher sur le volet Taïwan et sur la perquisition début 98 au domicile de Roland Dumas que les juges soupçonnent d'avoir touché les commissions avant de donner son feu vert à la vente des frégates. Au printemps 2001, après une période d'accalmie, c'est en Suisse que rebondit l'affaire des frégates. On découvre que d'importantes commissions ont été versées à un homme d'affaires du nom d'Andrew Wang lors de la transaction en 91 entre la France et Taïwan. Le juge suisse Paul Perraudin ouvre une enquête sur de possibles liens avec des acteurs de la vie politique et industrielle française. Ce qui contraint de facto la France à ouvrir elle aussi une seconde instruction, cette fois pour abus de biens sociaux et recels sur d'éventuelles commissions versées à des Français dans le cadre de cette vente. Commission, rétro-commission, connaît le refrain. De nouveaux témoignages viennent accréditer leur existence. Parmi eux, celui de Joël Bucher, ancien cadre de la Société Générale, que les députés de la mission anti-blanchiment auditionnent à l'Assemblée nationale au mois de mars 2001. À cette période, j'étais directeur général adjoint à Taipei pour la Société Générale. Je m'occupais particulièrement de promouvoir les sociétés françaises sur place, dont Air Liquide, Airbus, Matra ou encore Alstom. Vous avez donc été le témoin de la signature de ce contrat historique. Vous avez déclaré qu'il s'agissait d'un contrat de 16 milliards de francs. mais le contrat comprenait une commission de 2,5 milliards de francs. Absolument. Expliquez-nous précisément dans quelles circonstances vous avez découvert l'existence de cette commission de 2,5 milliards de francs dont vous avez fait état. À mon retour en France, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'attaché commercial représentant le ministère des Affaires économiques de Taïwan en France. Comme il avait signé le contrat des frégates, il s'est tout de suite inquiété de son coût et il m'a demandé si c'était vrai que des commissions avaient été payées. Je me suis alors livré à un petit calcul et j'ai trouvé une grosse différence entre les montants que la France déclarait à l'exportation et ceux que Taïwan déclarait à l'importation. Il s'agissait d'une énorme différence. Une différence qui avoisine les 500 millions d'euros. Autrement dit, 20% du montant total de la transaction signée en 1991. Lorsqu'elle sort dans la presse, les révélations de Joël Buchère font l'effet d'une bombe. D'autant que très vite, ces chiffres sont confirmés par des journalistes du Monde qui mènent une contre-enquête. La question, qui est alors sur toutes les lèvres, est de savoir où est passé l'argent. C'est bien dans ce but que le juge Renaud van Ruinbeck enquête, mais il se heurte très vite au secret défense opposé par les différents ministres des Finances. De Laurent Fabius à Francis Maire, en passant par Thierry Breton, tous refusent de dévoiler le contrat de vente réalisé en 1991. Un contrat dont l'avenant avait été validé, signé en 1994 par le ministre du Budget d'alors, un certain Nicolas Sarkozy. Un feuilleton judiciaire sans fin. D'autant qu'en 2003, la Cour d'appel de Paris relaxe Roland Dumas dans le dossier des frégates, condamnant seulement les protagonistes de l'affaire Elf, le floch Prigent, Sirvin et consorts. En 2008, nouveau coup de théâtre. Le procureur de Paris, Jean-Claude Marin, rend un non-lieu général. Ainsi, 500 millions d'euros ont disparu dans cette affaire, mais il n'y a pas de coupable. Ainsi, on a décidé la justice, rideau. Quant aux fameuses frégates, elles ont bien été livrées entre-temps à Taïwan au milieu des années 90, mais ultime paradoxe de cette histoire, Taipei s'est rapidement rendu compte de leur inutilité stratégique. Comment justifier en effet l'utilisation de frégates de combat furtives juste pour jouer les gardes-côtes? Autrement dit, tout ça pour ça. Unless we are a little crazy. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire des frégates de Taïwan avec notre invitée, la journaliste indépendante Vanessa Ratignier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez mené avec Pierre Péan une enquête sur l'affaire Clearstream dans la série documentaire Manipulation, réalisée par Jean-Robert Vialet. Elle était diffusée sur France 5 en 2011, je le rappelle. Vous avez travaillé sur l'affaire des frégates et vous vous êtes rendu à Taïwan pour rencontrer certains protagonistes de cette affaire. Alors, vous meniez une enquête à l'origine, on l'a dit, sur l'affaire Clearstream et vous en êtes arrivé à travailler sur celle des frégates. Quel est donc le lien entre ces deux dossiers ? Comme vous l'avez dit, l'affaire des frégates de Taïwan est assez emblématique. Elle recèle en fait toute la part d'ombre de l'armement français. C'est-à-dire que on a des commissions, on a des rétrocommissions, on a des rivalités d'industriels, on a des rivalités d'intermédiaires, on a des politiques de tous bords. Bref, c'est une affaire qui est très emblématique et qui s'est retrouvée placée au cœur des faux listings de l'affaire Clearstream pour crédibiliser le tout. En quelques mots, l'affaire des faux listings Clearstream... C'est bien de le rappeler, toujours. Ce sont des listings faussement attribués à des personnalités politiques industrielles, des personnalités de la mafia, des oligarques russes, on a même des gens de la Jet Set, ensemble de comptes qui sont censés permettre de retracer la généralisation, si vous voulez, de la corruption française. Donc en fait, c'est du faux sur du vrai. Du faux, des faux comptes sur du vrai. Des vraies pratiques. Voilà, des systèmes de corruption. Donc si vous voulez, en enquêtant sur l'affaire Clearstream, on revient sur l'affaire des frégates de Taïwan parce qu'elles sont au cœur des faux listings qui sont élaborés par Imad Laoud, le falsificateur, parce que ça lui permet à lui de piéger sa première cible qui est Jean-Louis Gergorin. Jean-Louis Gergorin qui était le stratège du rival d'Alain Gomez, que Gomez a combattu très violemment pendant les années 90. Et Gomez était... Alain Gomez, donc le président de Thomson, voilà, chef de file dans les frégates de Taïwan. Et donc, en mettant, si vous voulez, les frégates de Taïwan au cœur des listings, on retrouve des commissions, des rétrocommissions, des politiques, des industriels, des morts suspectes aussi, ce qui est très important, puisque Gergorin est convaincu que son patron est mort assassiné. Et on est aussi à cette époque, la fabrication des listings, on est à l'été 2003, au moment où le juge Van Ruynbeek essaye justement de lever le voile sur les rétrocommissions de l'affaire des frégates de Taïwan. Donc ça permet vraiment de crédibiliser, si vous voulez, toute l'affaire des listings Clearstream. Et puis on rencontre aussi, on croise Elf. Alors Elf, dont on sait quelles ont été les pratiques en son temps, une immense machine à générer des commissions, des rétrocommissions, une immense caisse dans laquelle beaucoup se sont servis copieusement avec de l'argent public, qui a probablement été la plus grande affaire politico-financière de l'après-guerre, une sorte de matrice, difficile de la contourner. Bah oui, justement, encore une fois, Taïwan croise Elf. Bah tout à fait, puisque Taïwan, justement, enfin pour l'affaire des frégates de Taïwan, pour réussir à signer le contrat, Thomson va avoir besoin d'intermédiaires dont il ne dispose pas dans ses réseaux. Vous parliez justement de tous les leviers à lever. Donc à Taïwan, il faut faire un petit peu patienter. Donc il faut arroser les politiques, les militaires, les industriels. Là, Thomson a un homme sur place. Il y a en Chine aussi où il faut convaincre les autorités chinoises de ne pas s'offusquer de cette vente, de fermer les yeux. Donc là aussi, Thomson dispose d'agents sur place. Le problème, c'est qu'en France, Thomson n'a pas l'agent qui peut justement faire basculer Roland Dumas et le convaincre de revenir sur son veto. En revanche, Elf dispose d'un agent d'influence au plus près du ministre des Affaires étrangères, Christine qui est Christine de Viejoncourt. Donc finalement, on a ces réseaux d'intermédiaires qui se croisent, où finalement ils se combattent un petit peu sur les différents contrats, et où là, Thomson va faire appel au réseau maison de Elf pour parvenir à signer le contrat. Ce qui va d'ailleurs donner lieu plus tard à des affrontements, puisque Thomson considérera que finalement le réseau Elf n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait, contrairement à ce que justement dit Christine de Viejoncourt, qui a réussi à faire basculer Roland Dumas dans l'affaire des frégates de Taïwan. Donc ELF, supermarché, des réseaux et des contacts et des rétrocommissions. Donc on vient auprès de ELF. Alors on en arrive justement à ces techniques des commissions et rétrocommissions. Comment ça fonctionne? Parce qu'effectivement, quand on dit rétrocommission, on a une idée mécanique de la façon dont ça fonctionne, mais plus précisément. Alors ce qui est dingue, ce qui est fou avec le principe de la rétrocommission, c'est qu'elle apparaît au moment de l'affaire des frégates de Taïwan. Oui. Alors, la rétrocommission, c'est le retour de commission en France. C'est-à-dire, c'est encore pire, si je puis dire, que la corruption, que la commission. C'est-à-dire, la commission, vous allez payer des autorités sur place, vous allez mettre de l'huile dans les rouages pour que le contrat soit signé. La rétrocommission, vous allez payer des intermédiaires sur place, payer des autorités sur place en leur demandant finalement de vous payer pour la corruption que vous faites et de vous en fait, la rétrocommission, c'est une partie de l'argent de la commission qui revient aux corrupteurs. C'est la corruption qui génère de la corruption. Tout à fait, tout à fait. Et qui revient du coup en France sur des réseaux sur lesquels les journalistes, la justice cherchent depuis des années. Mais c'est vraiment à ce moment-là que le système de la rétrocommission apparaît, ce que retrace d'ailleurs Pierre Péan dans son livre « La République des mallettes », ce qui fait aussi de l'affaire des frégates de Taïwan une affaire qui est un peu hors norme, ce qui crédibilise l'affaire des listings Clearstream et ce qui fait que, si vous voulez, à partir de ce moment-là, la corruption des politiques en France est encore pire que ce qu'on pouvait penser, puisqu'ils se font payer aussi pour corrompre. Alors, commission, rétrocommission, ça peut aussi déboucher sur des drames. Il y a eu des morts suspectes dans cette affaire-là, mais des drames comme pour l'affaire Karachi, hein, pas encore jugé, mais il y a des soupçons quand même de commission ou rétrocommission qui n'auraient pas été payées à des intermédiaires pakistanais qui seraient donc à l'origine de l'attentat contre les chantiers navals, hein, c'est ça, en gros. Bon, alors, vous êtes allé à Taïwan justement pour obtenir des témoignages. Qui avez-vous vu et qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que vous avez appris à Taïwan? Nous, ce qui nous intéressait beaucoup à Taïwan, c'était de rencontrer d'anciens membres de la commission d'enquête qui a été ouverte justement après l'une des morts suspectes survenues dans l'affaire des frégates. C'est la mort du capitaine Yin, qui était donc responsable des achats d'armement pour la marine taïwanaise, qui est venu en France dans le cadre du contrat des frégates de Taïwan en 93 avec une délégation pour suivre l'avancement des travaux. Et donc, quand il rentre à Taïwan, très inquiet, soupçonnant l'existence d'un très vaste réseau de corruption, donc rédige de nombreux rapports, fait des enregistrements et surtout donne un avis négatif sur le contrat. Et est retrouvé quelques jours plus tard, mort dans l'une des bêtes taïwanaises, qui va provoquer un énorme scandale à Taïwan, puisque c'est à ce moment-là que les autorités commencent à se pencher sur le contrat des frégates. Et se monte une commission parlementaire, justement, pour identifier les réseaux de corruption à Taïwan qui ont été déployés en marge de la signature du contrat. Donc nous sommes allés rencontrer différents membres, justement, de cette mission d'information. On a vu notamment un ancien ministre de la Défense qui n'avait jamais parlé, qui nous avait refusé une première interview, puis qui finalement s'est dit bon, il est quand même temps de raconter ce que je sais, et qui nous explique qu'au moment où à Taïwan on commence à lancer le feu vert, à dire il faut absolument signer avec les Français, il nous dit mais nous on allait acheter des frégates à la Corée, le contrat est à la signature, le devis était oui, c'était validé. Bien avancé, absolument. C'était bien avancé, donc qui nous raconte aussi les enquêtes qui ont été faites sur la mort de Yin, qui nous raconte avec un autre parlementaire aussi, Roger Sier, avec Paris Chang, enfin différents hommes qui ont travaillé justement. Il y a quand même eu plus de 200 auditions qui ont été menées à Taïwan, il y a eu des dizaines de milliers de pages de documents à examiner, et ils ont mis à jour finalement les impressionnants réseaux de corruption montés par Thomson dans le cadre des frégates de Taïwan. Ils ont aussi mis en lumière le fait qu'à chaque renégociation du contrat, le prix augmentait parce qu'il fallait à chaque fois distribuer encore plus d'argent pour huiler encore plus les rouages, pour soudoyer encore plus de personnes. Ce qui fait au final que le contrat a connu plusieurs stades, qu'il a été signé au final pour un montant de 16 milliards de francs, donc 2 800 millions d'euros, absolument. Dont le tiers est consacré quand même à de la corruption. Mais soyons clairs, les Taïwanais sont en situation de corruption passive, ce qu'on appelle corruption passive, c'est-à-dire qu'ils acceptent la corruption, ils n'en sont pas à l'origine. Hein. La corruption, c'est la part des vendeurs, corruption active, les Taïwanais sont quand même en situation de corruption passive, ils l'acceptent. Effectivement, ils l'acceptent. Mmh. Pour être corrompu, il faut accepter cette compromission aussi. Maintenant, il est vrai qu'il y a... Il y a l'argent donc qui est dealé, si vous voulez, au départ, toutes les renégociations, et puis aussi tout l'argent qui revient en France. Ouais. Donc c'est vraiment de part et d'autre en fait. Et puis il faut aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment des discussions sur les frégates de Taïwan, vous en avez parlé, il y a le massacre de Tiananmen, la Chine décide que bon là, il va être temps quand même de ramener Taïwan dans le giron chinois. Mmh. Bon, Taïwan c'est quand même une toute petite île qui doit se défendre, qui doit s'armer. Donc quand la France leur dit, alors vous allez acheter nos frégates, mais il va falloir encore un petit peu patienter parce qu'on a des problèmes à l'intérieur avec notre ministre des Affaires étrangères qui ne veut pas encore valider, on arrose. Donc pour les convaincre de patienter, on donne encore plus d'argent. Donc finalement, c'est une sorte de pas de deux, quoi. Alors on va écouter une archive ensemble, on va écouter le juge Thierry Jean-Pierre qu'on a cité dans ce récit. Il revient justement sur les rétrocommissions, le système des rétrocommissions et puis aussi la spécificité de Taïwan. Qu'on m'a raconté, mais vraiment de première main... Mmh. L'homme au cigare. Non, c'est pas l'homme au cigare, c'est quelqu'un d'autre. On m'a raconté qu'à l'occasion de ces campagnes présidentielles, il y avait un des types des grandes entreprises nationales qui était chargé de faire la tournée des Grands-Ducs une fois par mois, et qui avait régulièrement, donc une fois par mois, quand il allait dans les différents sièges ou chez les différents hommes et femmes politiques qui touchaient, il avait un coffre de voiture dont le fond était tapissé de liasses de billets de 500 francs. C'est des billets de 500 francs à l'époque. Il emballait un mètre cube tous les mois. C'est vous dire quel argent liquide circulait à l'époque. Donc évidemment, il y a des suspicions de financement occulte. Évidemment que la droite et la gauche ont touché. Comme dans l'affaire du Crédit Lyonnais, c'est évidemment notre argent qui est en cause. C'est nous qui payons la facture au bout du compte. Oui, c'est nous. Ah bah oui, c'est aussi le problème. Enfin, c'est le double problème et la double peine morale de ce genre d'histoire. Des rétrocommissions, financement de campagnes électorales. Ce qui est génial, c'est qu'à l'époque, il y avait une clé de répartition. C'est-à-dire que tout le monde, tous les partis étaient arrosés. La seule différence consistait dans la proportion que chacun avait. Grand parti, grand pourcentage, petit parti, petit pourcentage. À l'époque du contrat des frégates de Taïwan, on est à une époque très particulière où finalement la question du financement politique occulte est centrale. Pourquoi ? Parce qu'on a Mitterrand qui vient d'être réélu et on a les scandales politico-financiers qui succèdent. On a l'affaire du Carrefour du Développement où l'on découvre que les anciennes colonies africaines servaient de pompe afrique pour le PS. On a l'affaire Urba Graco où l'on découvre que l'implantation des hyper marché en France donne lieu au versement de pots de vin. Tous les grands partis sont éclaboussés, donc le pouvoir français doit absolument réagir. Donc on vote des lois sur le financement de la vie politique qui encadre, et puis histoire de, si vous voulez, un petit peu nettoyer tout cela. Mais les grands partis ont toujours besoin d'argent. Et oui, ça ne règle pas le problème. C'est-à-dire qu'eux doivent aussi alimenter leur trésor de guerre, il faut payer les campagnes, donc du coup, ils doivent absolument trouver des nouvelles sources de financement. Ils doivent trouver un autre système, et ce système-là, ils vont le trouver dans les contrats d'armement. À l'époque, donc fin des années 80, début des années 90, on a l'Empire soviétique qui vient de s'effondrer, c'est la fin de la guerre froide, on va, pensons, vers un désarmement généralisé, donc moins de ventes d'armes, moins de contrats. Les industriels de l'armement français se font la guerre pour être celui qui va survivre, parce qu'ils vont pas être très nombreux à survivre, d'où la guerre entre Gomez, président de Thomson, et Jean-Luc Lagardère, président de Matra. Mais ça, c'est une autre petite histoire. Oui, mais c'est lié. Et c'est justement à ce moment-là que Taïwan apparaît un petit peu sur la carte, puisque Taïwan n'est plus le marché réservé des Américains, donc la France peut vendre. Taïwan paye cash, dispose d'une réserve de devises absolument phénoménale, donc tout le monde se rue à Taïwan. Parce qu'il faut derrière aussi mettre de l'argent dans les trésors de guerre politique, parce qu'il faut aussi huiler les rouages. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est le contrat des frégates de Taïwan qui va permettre à ces financiers de l'ombre d'élaborer le nouveau système de financement occulte de la vie politique. Est-ce que par ailleurs, il y a eu, de ce qu'on sait, enrichissement personnel ? Le problème de l'affaire des frégates de Taïwan, c'est que l'enquête n'a pas pu aboutir. Oui, c'est pour ça que de ce qu'on en sait, parce qu'on n'en sait pas beaucoup. De ce qu'on en sait, c'est que les contrats étaient donc de 16 milliards de francs, le tiers dévolu aux commissions, avec des retours de commissions en France. Le tiers, c'est énorme. C'est considérable, avec surtout des témoignages, je pense notamment au témoignage d'Alain Richard, qui était ancien ministre de la Défense, qui dit que de l'argent est rentré en France. Et comme vous le disiez justement, le contrat a été signé sous un gouvernement socialiste, Et il y a eu un avenant au contrat. Donc, en 94. En 94, et comme nous l'ont dit justement les autorités de Taïwan, les membres de la commission d'enquête, à chaque fois qu'on renégocie, on augmente le montant du contrat parce qu'il faut encore arroser et verser des pots de vin. Donc finalement, on a et la gauche et la droite qui sont parties prenantes dans ce contrat. Donc, ça rappelle le carrefour du développement où c'est une manipulation de la gauche au pouvoir et reprise après par la droite, notamment par Charles Pasqua. Bah après, donc, là, c'est toujours l'idée étant de remplir les caisses avec de l'argent noir, les bons systèmes qui fonctionnent, chacun va aussi essayer de les adapter pour ses propres comptes. Enfin, pour son propre compte. Bien, alors on va continuer à démêler les chevaux de cette affaire qui apparaît très compliquée quand on la décortique et qu'on y va étape par étape, finalement on arrive à la comprendre et voir quelles sont les autres facettes de cette affaire après avoir écouté Depeche Mode qui chante, pour chanter Un sou est un sou, Everything Counts. Vanessa Ratigny, vous êtes notre invitée. Je rappelle que vous avez enquêté donc sur cette affaire des frégates de Taïwan. Il faut préciser, c'est important, qu'à l'époque, le système des commissions était autorisé, c'est cela, hein ? Oui, tout à fait. À l'époque, les commissions en France étaient non seulement autorisées, mais elles étaient en plus déclarées auprès du pouvoir, c'est-à-dire qu'on déclarait les commissions sous le terme de FCE, frais commerciaux extérieurs. Puis du coup, c'était déclaré donc aux douanes, validé par le ministre du budget de l'époque, qui avait donc une petite liste des commissions et puis bon, des personnes concernées. Les commissions étaient en revanche interdites dans le contrat des frégates de Taïwan par un article qui précisait que dans ce contrat, il ne fallait pas... Oui, on l'a dit dans le récit, absolument. Tout à fait. Et les corruptions en général vont être interdites à partir de 2000, lors de la signature d'une convention OCDE qui va proscrire la corruption, mais uniquement d'agents publics étrangers. Ce qui laisse donc pas mal de place à côté pour trouver des montages permettant de corrompre des intermédiaires qui, in fine, ne sont pas des agents publics étrangers. En gros, l'OCDE dit vous pouvez corrompre, mais dans les règles. En gros, c'est ça. Oui. C'est la corruption tolérée, quoi. Bah, disons qu'on fait un petit pas pour normaliser un peu, mais... Ça revient à ça. Alors, dans cette affaire, il y a de l'argent, on l'a dit, beaucoup d'argent. Et il y a aussi des décès, des disparitions étonnantes, on l'a dit aussi. Alors, parmi lesquelles, et ça, on n'avait pas évoqué, celle de Thierry Imbeau, ancien agent de la DGSE, donc nos services de renseignement, qui avait été missionné pour suivre ce dossier des frégates. Et la liste se poursuit, comme en témoigne cette archive qu'on va écouter ensemble, issue du journal de France 2. En octobre 2000, Thierry Imbeau a malencontreusement fait une chute mortelle depuis la fenêtre de son appartement au quatrième étage. C'est en tout cas la version officielle. Mais Thierry Imbeau n'était pas un simple agent. Son père, le général Imbeau, a lui-même dirigé les services dans les années 80. La semaine dernière, il a confié au juge que son fils en savait beaucoup sur les frégates. Dans le sillage de ces frégates, il y a d'autres morts suspectes. À Taïwan, en 93, le capitaine Yin était assassiné. Il faisait partie des négociateurs du contrat. L'année dernière, c'est l'ancien numéro 1 de Thomson sur l'île qui décédait. Peu de temps après, un autre cadre de Thomson, Jacques Morrison, trouvait à son tour la mort. Comme Thierry Imbeau, il a fait une chute de 4 étages. À l'époque, la police avait conclu au suicide de cet homme clé de la vente des frégates. Voilà, et cette information date très précisément du 18 juin 2002 sur France 2. Vous avez réussi à en savoir un peu plus sur ces morts suspectes? Elles sont très souvent évoquées. Elles sont très souvent évoquées parce que justement, là, ces personnes qui sont mortes dans des conditions particulièrement singulières, enfin Thierry Imbeau, donc qui s'apprêtait, qui donc avait été envoyé par la DGSE au moment des frégates de Taïwan sur l'île pour surveiller les contrats et plus particulièrement le contrat des frégates de Taïwan, était parti, avait démissionné de la DGSE quelques années après, suite à l'assassinat justement de Yin. Et à la veille de son... le jour où il est mort, le lendemain, il devait rencontrer un journaliste. Il avait dit à son père qu'il en savait beaucoup. Toutes ces morts suspectes, on a beaucoup de soupçons et à chaque fois, la police conclut soit un accident. Le cas de Thierry Imbeau est assez emblématique puisque donc il aurait basculé en fermant ses volets, toutes lumières éteintes, un soir de grand vent, donc on est à Paris, les fenêtres, il y a des petites balustrades aussi. Et c'est en fait le contrat des frégates de Taïwan, à ma connaissance, hein, c'est vraiment le contrat dans le cadre duquel on a énormément de morts suspectes, de personnes qui ont eu vraiment à connaître des coulisses et des plus grands secrets des négociations financières de ce contrat-là, et qui toutes disparaissent dans des conditions singulières. Finalement, ceux qui peuvent parler et qui souhaiteraient peut-être parler disparaissent, ou alors sont, dans le cas de Christine de Viejoncourt, jetés à la vindicte populaire. C'est toujours la même question. À un moment, pour pouvoir sortir ses affaires, c'est aussi, faut accepter de parler, faut prendre des risques. Et c'est vraiment pas évident comme on peut le voir dans cette affaire-là. Et le scénario que vous racontez, c'est vraiment comme au cinéma, sauf qu'on n'est pas au cinéma, hein. On est dans la réalité. Toute dernière chose, il nous reste 45 secondes. Roland Dumas, malgré quand même des éléments précis contre lui, était relaxé en 2003. Je rappelle que les juges d'instruction s'appelaient Eva Joly et Madame Wisniewski. Je dis que j'ai un peu écorché son nom tout à l'heure. Pourquoi Roland Dumas s'en sort comme ça? Moi, surtout, le truc que je trouve assez fou, pour en terminer sur l'affaire des frégates de Taïwan, c'est le juge Renaud Van Ruynbeck qui a dû clore son instruction par un non-lieu. Où finalement, à gauche comme à droite, à chaque fois qu'on lui a demandé la levée du secret défense, on lui a dit non. Donc non, et finalement ça protège quoi le secret défense? Ça protège certes des processus et des procédés d'armement militaire, du secret de fabrication, mais ça protège aussi les corrupteurs. Ça sera le mot de la fin, Vanessa Ratignier. Merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir apporté vos lumières sur cette affaire. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le scandale de l'affaire des frégates de Taïwan, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons les graves événements en Syrie et en particulier l'usage d'armes chimiques. Bonjour Elsa Boublil. Bonjour Fabrice. Comment commence la semaine ? La semaine commence en gastronomie. On reçoit le critique gastronomique François Simon. On va essayer de faire des analogies entre la cuisine et la musique classique. Je pense que c'est possible. Quelle belle plume, ça me Très belle plume, en effet. Il arrive. À tout à l'heure.